qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Charcot, père et fils, tel pourrait être le titre de l'émission que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il n'est pas très fréquent que le fils d'un grand personnage devienne à son tour un grand personnage. Eh bien c'est ce qui s'est passé pourtant chez les Charcot à la fin du 19e siècle. Le père Jean Martin était un grand neurologue, l'un des maîtres de Freud notamment. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Jean-Noël Fabiani. Et quant au fils, Jean-Baptiste, il sera l'explorateur français des zones polaires. C'est par lui que nous allons commencer, si vous voulez, avant d'évoquer la fulgurante carrière de son père. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Yacine sur les origines du marathon. Eh bien, pourquoi pas ? Mauvais jeu de mots, je le retire, le pourquoi pas. Vous savez, c'était le nom du célèbre navire de Jean-Baptiste Charcot. Je vous propose de nous placer tout de suite dans son sillage sur certaines des mers les plus froides du globe. Repin au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je ne veux surtout pas être un fils à papa, je veux être simplement le digne fils de mon père, a dit le commandant Charcot à propos donc de cette filiation assez extraordinaire. Il était en effet le deuxième enfant de Jean-Martin Charcot, ce Jean-Baptiste, puisqu'une sœur, Jeanne, était née 2 ans avant lui. Elle était née en 1865. Lui a vu le jour le 15 juillet 1867 dans cette famille, chez cet éminent neurologue dont les travaux étaient connus dans le monde entier. Nous y viendrons tout à l'heure, évidemment. Alors, cette figure paternelle, elle est extrêmement présente dans la vie de Jean-Baptiste. Évidemment, on la retrouve à tous les stades de son évolution, de son éducation. Il va suivre une scolarité à l'école alsacienne, Jean-Baptiste, entre 1876 et 1885. Et disons-le, ça n'est pas un bon élève. C'est difficile d'avoir comme ça une très grande et noble figure qui vous écrase un peu dans vos études. On connaît un certain nombre d'autres exemples, évidemment. Tout de même, le petit garçon essaie de s'accrocher, comme on dit. Il sait que son père veut qu'il réussisse dans les études, qu'il devienne médecin. Vous savez, on est dans ce contexte de la bonne bourgeoisie du 19e siècle qui veut occuper tous les postes, si je puis dire. Et dans ces bonnes familles parisiennes de l'époque, eh bien, les études jouent un rôle absolument essentiel. Alors, le petit Jean-Baptiste obtempère. Il faut vous dire que lui a déjà trouvé son jardin secret, d'une certaine manière. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'un enfant est comme ça un peu écrasé par une figure paternelle ou maternelle. Il essaie de s'exprimer dans un domaine qui soit un domaine bien à lui. Et là, en l'occurrence, tout jeune, il va rêver de la mer. On dit que lorsqu'il avait 5 ans, c'est Serge Kahn qui raconte ça, il nous dit un jour vers 5 ans, il s'est mis en tête de naviguer. Mais bien vite, il est retrouvé tout trempé avec son beau costume de velours du dimanche au milieu du vaste bassin de la maison de ses grands-parents au 19 avenue de Madrid à Neuilly. Son frêle esquif, une vieille caisse à savon baptisée « Pourquoi pas ?» Vous voyez que ça ne s'invente pas, ça. Son esquif chavire sous les yeux de sa demi-sœur Marie. Eh oui, parce que effectivement, sa mère avait déjà une enfant d'un premier mariage, qui accourt aussitôt pour le tirer d'affaire au milieu de ce bassin dominé par une grotte artificielle. Le jeune garçon reçoit une fessée de ses parents, histoire de lui apprendre un peu. Mais vous voyez quand même d'où peut venir une vocation comme celle-là. Il a 5 ans, il est déjà en train d'essayer de naviguer dans son espèce de caisse à savon et qu'il a déjà déjà baptisé, pourquoi pas? Et d'ailleurs, pourquoi pas, c'est une expression qui va devenir la devise de Charcot, la devise de Jean-Baptiste. Elle est à la fois le reflet du doute qui l'habite et en même temps de l'extraordinaire ténacité qui le mènera si loin sur certains chemins. Son père veut qu'il fasse médecine, il va donc commencer des études de médecine en 1886. Il a une véritable horreur pour la vivisection, lui il a le cœur tendre, il adore les animaux, il aura passé sa vie à apprivoiser, à dorloter les animaux. Et là on lui demande de les, autopsier, c'est un petit peu moins amusant évidemment. En 1891, il n'en est pas moins reçu au 4e concours d'internat. Il était temps en quelque sorte, puisqu'il ne reste pas longtemps à vivre à son père, qui va le prendre bien entendu sous sa coupe et qui va essayer de le former. Il va essayer de le former certes, mais il est bien conscient, le père Charcot, le professeur Charcot, il est bien conscient de l'intérêt de son fils pour la mer. Et d'ailleurs il va lui faire un beau cadeau, il lui offre son premier yacht, un 9 tonneaux qui s'appelle le Daisy et que tout de suite Jean-Baptiste va rebaptiser Courly. Ça va lui permettre ça de s'initier aux régates. Oh, il ne sera jamais un grand régatier, mais tout de même, il s'inscrit comme membre de l'Union des yachts français. Il adhère au Cercle de la Voile de Paris. Vous voyez qu'il avance, alors là, vraiment sur cette voie-là. Son père va bientôt mourir d'un œdème du poumon en 1893. Et à ce moment-là, on peut dire que Jean-Baptiste se sent comme libéré. Il va pouvoir se lancer dans cette carrière maritime. Il vend son premier navire, là, le Courly, pour faire construire un premier vrai bateau. Il faut vous dire qu'il a fait un héritage, bien entendu, et que sa mère, par ailleurs, se montre très généreuse, donc le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a aucun souci d'argent. Il va faire construire ce cotre de 19,50 m qu'il baptise, et revoilà la caisse à savon du temps de ses 5 ans, qu'il baptise le pourquoi pas. En 1894, il va partir en croisière pour 2 semaines. Signalons quand même, mais j'ai presque envie de dire que c'est un petit détail, qu'il est devenu docteur en médecine de la faculté de Paris en 1895. Ernst Zimmer, un court extrait de la bande originale du film Croc-Blanc. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jean-Baptiste Charcot. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jean-Baptiste Charcot. Il y a un roman que je voudrais vous recommander chaudement. Ça s'appelle « Belle époque ». C'est de Kate Cambord et ça raconte cet extraordinaire mélange, si je puis dire, au sein de la haute bourgeoisie parisienne de l'époque, les alliances, les enfants qui sont, en l'occurrence, les enfants d'Alphonse Daudet, du professeur Charcot, de Victor Hugo, etc. et qui se font la cour les uns les autres, qui se marient. C'est d'ailleurs ce qui va se passer en l'occurrence, puisque il va non seulement faire la cour à la petite fille de Victor Hugo, notre Jean-Baptiste, mais il épouse Jeanne Hugo alors qu'elle vient tout juste de divorcer de Léon Daudet en 1896. On est vraiment dans cette endogamie dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, bien entendu. Ils ne sont pas finalement faits l'un pour l'autre, ces deux-là. Ils vont s'éloigner assez vite et Très vite, Jean-Baptiste va voguer vers de très lointains horizons. Le pourquoi pas a été remplacé entre-temps par une goélette en bois de 26 mètres de long qui s'appelle tout simplement le pourquoi pas numéro 2. Il y aura d'ailleurs un pourquoi pas numéro 3. Cette fois, une goélette en fer de 31 mètres avec moteur à vapeur, ce qui permet une beaucoup plus grande souplesse dans l'établissement des itinéraires. Jean-Baptiste Charcot a envie de se lancer dans de grandes aventures, dans des expéditions. D'ailleurs, il va accompagner le milliardaire américain Vanderbilt dans une grande croisière en Égypte que Vanderbilt a montée. Ils vont remonter le Nil comme ça jusqu'à Assouan. Le problème de Jean-Baptiste Charcot, et ça il le sait depuis sa jeunesse parce qu'il se trouve que son père les emmenait avec lui et sa sœur en vacances régulièrement dans des pays chauds. Or lui n'aime pas la chaleur. Il a un problème avec le soleil et avec la chaleur. Ce ne sont pas des latitudes pour lui. Et il va décider très vite de choisir de toute autre destination. À l'été 1901, le voilà parti pour une expédition vers les îles Féroé. Nous avons promené notre pavillon national et le guidon du Yacht Club de France dans les pays où l'on ne les rencontre presque jamais, dira-t-il avec fierté. Encore une fois, notre but avoué était accompli, mais notre but inavoué, celui de couper les amarres de l'Angleterre et de l'envoyer dériver au diable, était manqué. Ah, et toujours, évidemment, chez ces régatiers français, toujours la pointe d'anglophobie qui fait la différence. Il va bientôt franchir le cercle polaire en 1902, pas sur le pourquoi pas 2, 3 ou 4 cette fois, mais à bord d'une goélette de 214 tonneaux qui s'appelle la Rose Marine. Et là, il prend la direction de l'Irlande. Il a une véritable obsession de l'exploration avec un but, avec une mission scientifique, Jean-Baptiste Charcot. C'est vraiment ça qui l'intéresse. Il se considère comme le capitaine, non pas simplement d'un navire, mais d'une sorte de laboratoire flottant destiné à aller découvrir, faire des découvertes scientifiques. On est en pleine période d'émulation, il faut imaginer la compétition incroyable entre les nations d'Europe, notamment pour la conquête du pôle Sud. Et Charcot vit comme une véritable humiliation l'absence de la France dans cette course à la découverte. Alors, il va mobiliser l'opinion et en décembre 1903, le journal L'Intransigeant se fait l'écho du projet de Charcot qui veut, je cite, « ramener le drapeau français dans ces régions polaires d'où il a disparu depuis la mort de Blosseville ». Ça, c'est pour le côté positif. La vie privée est moins brillante, si je puis dire. Il a divorcé de Jeanne. Il va d'ailleurs se remarier en 1907 avec une peintre. Jeanne avait déjà des velléités artistiques. Hein. Il épouse Marguerite Cléry, qui est une femme alors très aimante, et qui va le comprendre, qui va le suivre dans ses voyages et dans ses expéditions, ce qui évidemment pour lui est un énorme réconfort. Le pourquoi pas quitte Le Havre en 1909 avec une grande mission polaire. Sa femme ne va pas l'accompagner jusque dans l'Antarctique. Elle descend à la dernière escale de Punta Arenas, dans le détroit de Magellan. Donc, et Charcot écrit dans son journal, heureusement qu'on a ce journal tout à fait passionnant et souvent émouvant, « Le départ de Meg est très dur, dit-il, mais elle y met beaucoup de courage. » Ils rentreront plus tard, en juin 1910, bien abîmés, si je puis dire. Charcot, notamment, aura été entre-temps victime du scorbut. Alors, en 1912, bellicisme, comment dirais-je, climat de l'époque oblige, le pourquoi pas devient navire-école de la marine marchande. Et puis en 1914, Charcot se trouve mobilisé comme médecin dans la marine. Après la guerre, il va obtenir que son navire soit réarmé. Et d'ailleurs, lui-même va monter en grade, hein, puisqu'en 1923, il devient capitaine de frégate. Seulement en 1925, il est atteint par la limite d'âge. Il perd le commandement de son bateau. Il va néanmoins rester à bord et il va se consacrer d'autant mieux à toutes les grandes missions qu'il veut mener, notamment en 1926 au Groenland. Ah, il se pose des questions, bien entendu. Il se demande même s'il ne devrait pas définitivement regagner la terre ferme. Voilà ce qu'il avouera à un ami. « Mourir dans mon lit gâteux ou bien avec un cancer ou une bonne congestion, voilà une chose qui m'empoisonnerait bougrement. » Ah non, décidément, rien ne vaut la mer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'explorateur et médecin Jean-Baptiste Charcot. Alors, nous verrons que la carrière médicale de Jean-Baptiste n'est pas extraordinaire, mais sa carrière d'explorateur, alors, extraordinaire, oui. En 1935, le voilà parti une nouvelle fois pour le Groenland. Pourquoi d'ailleurs va-t-il au Groenland? Pour aller chercher... Paul-Émile Victor, voilà. Paul-Émile Victor, notre célèbre explorateur, vous savez, qui était là-bas, coincé avec trois compagnons. Il était en train de faire lui-même des relevés scientifiques et géographiques. Alors le voyage se fait sans encombre entre Saint-Malo et l'Islande. Et puis à l'approche de la côte, on voit quand même les icebergs se multiplier. Le pourquoi pas trouve son chemin dans ce domaine dont ils sont les sentinelles, écrira Charcot dans son journal. C'est une mission délicate et pas reposante. Ils ne prennent pas de repos du tout. L'arrivée de l'équipe Victor, la visite des officiels, l'excursion au poste de TSF, les discussions de projets, les repas d'interminables palabres, tout ça a raison, on peut dire, de la santé de l'équipage en général et de Jean-Baptiste Charcot en particulier, qui va déposer Paul-Émile Victor et son équipe le 6 août dans un coin du Groenland où ils ont l'intention d'hiverner en compagnie d'un groupe d'Esquimaux. Et puis, revoilà le pourquoi pas qui part le 11 août. Avant de partir, tout de même, Charcot a confié à Paul-Émile Victor, je cite, « Si ce n'était pour ma famille, j'aimerais mieux crever en mer. » Comme s'il y avait là une sorte de préscience, d'une certaine manière. Alors, le pourquoi pas est parti, direction l'Islande pour aller charbonner à Ísafjörður. Et puis, la navigation est très difficile, hein, Charcot l'écrit. D'ailleurs, le 13 août, au petit matin, ce n'était plus tenable, dit-il. Il a fallu virer de bord et fuir. Le bateau s'est trouvé tout de suite soulagé, mais il fallait manœuvrer avec le plus grand soin, car un mauvais coup de vent eût été fatal. Entre 7 et 10 heures, je crois que jamais dans ma longue carrière, je n'ai eu à subir un vent plus violent et à voir une mer plus méchante. Les vagues ressemblaient à ces estampes japonaises qui paraissent de pure imagination, des murailles chrétiennes. De blanc nous poursuivait en brisant. On imagine la mer complètement démontée. C'est un grand marin qui parle, évidemment. Ils arrivent quand même en rade d'Ísafjörður dans la nuit du 15 août. Là, ils prennent un peu de repos. Et puis, c'est reparti, direction la côte de Blosseville, avec une navigation de plus en plus difficile. C'est désespérant, écrit Charcot, et je commence à me demander si nous allons pouvoir faire quelque chose d'intéressant, car le temps passe, malheureusement pour le travail que j'aurais voulu faire. Et oui, il est toujours, lui, dans ses relevés, dans ses analyses et dans son travail scientifique, bien entendu. Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit une mouette complètement épuisée qui vient s'échouer sur le pont du navire. Charcot place l'oiseau dans une petite caisse. Et il écrit « J'ai ouvert, avec la crainte de trouver morte la jolie mouette d'hier, la caisse où nous l'avions mise. La délicieuse bête en est sortie dans mes mains. Elle a fait sa toilette, développé ses ailes et s'est mise à inspecter le carré, tout en se laissant caresser sans la moindre appréhension, venant même spontanément dans mes mains. J'ai cherché à lui donner à manger, mais n'ai obtenu de résultat que lorsque j'ai eu l'idée d'ouvrir une boîte de saumon. » Alors, elle a dévoré et avec une propreté inouïe, ne retournant à l'assiette que lorsqu'elle avait enlevé de la table les morceaux éparpillés. Je l'ai bien installée avec un verre d'eau à côté de son assiette et un couvert. Et quand les camarades sont revenus, nous étions tous les deux en train de déjeuner. On imagine la surprise, évidemment, des marins quand ils ont découvert le capitaine en train de déjeuner en tête-à-tête avec sa mouette. Le 30 août, ils sont au large de la côte d'Islande. La chaudière du pourquoi pas est à ce moment-là inutilisable car il y a eu en plus une explosion de grisou, vous savez, dans la soute. Le pourquoi pas va être remorqué par un navire danois. Il est réparé à Reykjavik et là, Charcot broie du noir. L'avenir du pauvre bateau est bien noir, dit-il. Or, on en profitera pour s'en débarrasser. Le 15 septembre, des semaines de très mauvais temps, voilà que le temps commence à s'éclaircir un peu. On en profite et Charcot écrit « À 2 heures, c'était un cyclone. Maintenant, calme plat, nous allons partir. Que va être cette traversée ?» avec un grand point d'interrogation comme à la fin de Pourquoi pas, n'est-ce pas? À 13h, le navire quitte donc Reykjavik. À 15h, le Pourquoi pas indique par un télégramme d'amitié adressé au consul de France que tout va bien à bord. Une heure plus tard, ça se gâte. La pluie commence à tomber, le vent qui augmente. Sur le bateau, on estime qu'il faut progresser de nouveau vent debout pour gagner un mouillage. Impossible pour le mouillage. Le bateau essaie comme ça pendant 4 heures, mais il y a cette puissance terrifiante du vent qui devient un ouragan. En pleine nuit, la dérive est presque incontrôlable et à 3 heures du matin, le vent souffle encore plus fort. À 4h30, la flèche d'Artimon s'abat. Elle brise les antennes de la radio, ce qui fait que là, cette fois, on ne peut plus rien transmettre, même pas un signal de détresse. Et à 5h15 du matin, le Pourquoi pas va toucher brutalement à 2 reprises un sol rocheux et il se couche sur tribord. Le navire s'écrase littéralement contre le récif. On a entendu Charcot s'écrier « Oh les pauvres enfants !» Et là, il a libéré la petite mouette qu'il avait baptisée Rita et qui va prendre son envol après une dernière caresse. Bientôt, le commandant Charcot ne sera plus et l'on peut dire que la France va réserver des obsèques nationales, non seulement au commandant Charcot, mais à tous les compagnons, à tous les corps qu'on aura retrouvés dans cette affaire. Quant à la mouette, eh bien, figurez-vous que c'est une histoire assez extraordinaire, mais en 1984, Jean-Yves Blot, qui avait déjà découvert l'épave de la Méduse, vous savez, qui était en train de travailler sur l'épave du Pourquoi pas, a rencontré un vieux paysan islandais qui, en septembre 1936, après la tempête, au petit jour, là, comme ça, de bon matin, avait recueilli une mouette. « Oh, j'ai été surpris, a dit le paysan, parce qu'ici, les mouettes ne se laissent pas approcher facilement. Elles savent qu'on les tue pour les manger. Seulement, celle-là de mouette, j'ai pu la prendre dans mes mains sans qu'elle soit effrayée. Oui, elle était apprivoisée. » Bonjour Jean-Noël Fabiani. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous avons parlé du fils, nous allons revenir une seconde sur la carrière du fils, mais surtout, ce que j'attends de vous, c'est que vous nous fassiez mieux connaître le père. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du neurologue Jean-Martin Charcot. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, où il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire, professeur à l'université Paris-Descartes. Alors justement, les maîtres ont joué un rôle dans la carrière de Charcot. Il a été à bonne école quand même. Il avait travaillé dans un premier temps, il a présenté sa thèse avec Piori. Tout à fait. Le grand maître des questions inflammatoires, justement. Tout à fait. Il a eu des maîtres, bien entendu. Pierre Reyer, qui était le... Pierre Reyer, qui est son patron, oui. Bien entendu. Et qui était le médecin de l'empereur, de Napoléon III. Tout à fait. Et surtout, il a eu des maîtres, mais il a bien retenu la leçon. Et il a eu des élèves exceptionnels. Car lorsqu'on fait la liste de ses élèves, c'est vraiment toute la médecine française de cette époque qui défile, avec des noms comme Pierre-Marie, Bourneville, Bouchard, Gilles de la Tourette ou Babinski. Alors, ça vous dit peut-être pas quelque chose, un peu quand même, mais pour les médecins, chacun de ces noms représente soit un signe fondamental de la sémiologie médicale, soit une maladie. Et donc, ces gens qui sont autour de lui vont véritablement créer la grande école de médecine française du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a affaire non seulement à un très brillant observateur et à un remarquable analyste, mais il est aussi un grand pédagogue. Il avait d'ailleurs le sens de la mise en scène, ça c'est resté célèbre. Alors, tout à fait. Alors, il n'était pas un grand orateur, dit-on, et il préparait très très bien ses cours, parce que justement il avait un peu de difficulté d'élocution. Mais il compensait, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à des dessins, il avait la fibre du dessinateur, et par des photographies. Et il savait mettre en scène. Et ces fameuses leçons du mardi attirent les gens. Alors, parfois... Ça devient quasiment comme des premières de spectacle. Absolument. Hein. On va au cours de Charcot comme on irait à une première de Sarah Bernhardt. Hein, c'est... Exactement. Et alors, il faut bien dire que Charcot sait trouver ce qui plaît. Et ce qui plaît beaucoup à l'époque, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'électricité, c'est tout ce qui concerne les maladies un petit peu mystérieuses, comme l'hystérie. Et oui. C'est pour ça qu'il va se lancer un peu dans l'hystérie. Et pour provoquer les signes de l'hystérie, il va utiliser une méthode qu'on peut discuter, qui d'ailleurs a été très discuté, qui est l'hypnose. Alors voilà, c'est en cela que je vous disais tout à l'heure qu'on quittait le monde purement tangible, là. Voilà, il faisait, grâce à l'hypnose, il disait qu'il recréait les signes de la grande forme de l'hystérie. En fait, pour être clair, son hystérique préférée, qui est Blanche Wittmann, qui était une superbe femme, on la voit sur le tableau, qui est à la faculté de médecine, dépoitraillée, tenue par Babinski, qui était un fort gaillard, et alors que tout le monde la regarde, alors assistant à cette grande crise d'hystérie. Il va faire à partir de là, de la salpêtrière, le point central de toutes les études neurologiques à travers l'Europe. Hein. C'est... Alors, il y a la partie neurologique qui est un remarquable observateur. Et il décrit par exemple la maladie de Parkinson comme la paralysie agitante. Bah, c'est tout à fait ça la maladie de Parkinson. Il décrit bien sûr cette fameuse maladie qu'on appelle la maladie de Charcot, qui est une maladie épouvantable. Eh bien c'est une dégénérescence, une fibrose progressive de toute la partie motrice, aussi bien cérébrale que de la moelle épinière, et qui aboutit à une paralysie progressive qui se finit très très mal, puisque même les muscles respiratoires finissent par ne plus fonctionner. Donc c'est une maladie qui existe toujours, que malheureusement, pour laquelle on a pas mal beaucoup de traitements encore à l'heure actuelle, et qu'il décrit parfaitement. Il décrit aussi toutes les manifestations de la grande maladie du 19e siècle, qui est la syphilis, et la forme neurologique qu'on appelle le tabès. Et ça, il en a, il a autour de lui tous les patients qu'il lui faut, et il les décrit parfaitement. D'autre part, comme il est anatomopathologiste, il va être capable de couper le cerveau en tranches. Il y a toujours aujourd'hui la coupe de Charcot. Ah oui, ça, alors, quand on parle de la coupe de Charcot, c'est bien de ce Charcot-là. C'est bien, hein. Ah oui, c'est bien de ce Charcot-là. Il coupe le cerveau dans un certain sens, d'autres le coupent dans l'autre, comme Flechsig, par exemple. Mais enfin, bon, on coupe le cerveau dans trois sens. Et il, parce que le cerveau du 19e siècle, c'est une masse. Bon, on sait que c'est important pour oui, marcher, évidemment. Se parler, se mouvoir. Mais on ne connaît pas très bien la topographie des choses. Et ce que vont faire les gens de cette époque, dont Charcot, bien sûr, c'est de trouver une topographie aux maladies. Cette maladie-là, elle est liée à la lésion de tel endroit du cerveau. Et ça, c'est Charcot qui véritablement travaille là-dessus. Le professeur Charcot, nous dit Virginie, est le découvreur, avec deux de ses confrères, Marie et l'anglais Tooth, de la maladie de Charcot. Marie Tooth, à ne pas confondre avec la maladie de Charcot, donc, la CMT, son abréviation, est la plus fréquente des maladies neurologiques héréditaires, un cas sur 2500 personnes. Oui, c'est une maladie qui, en effet, a été décrite par Charcot, mais qui est moins grave que heureusement, que la maladie de Charcot, qui ressemble par certains côtés à cette maladie, mais qui, heureusement, a un pronostic bien meilleur. Il existe, ajoute Virginie, une association pour accompagner les malades et leurs familles, CMT France, cette association qu'on peut trouver facilement sur Internet. On a l'impression, lorsqu'on vous écoute, Jean-Noël Fabiani, que ce Charcot père est au moins aussi explorateur que Charcot fils. Il est aux avant-postes de toutes sortes de découvertes, en vérité. Eh bien, je dirais que le fils a certainement pris du père, pour respecter la génétique, pris du père qu'il admirait beaucoup. Hein. Jean-Baptiste admirait beaucoup son père. Et il avait un respect énorme pour lui. Il a pris de lui d'abord ce sens du travail, ce sens du devoir. Par exemple, quand Jean-Baptiste dit « je veux faire la cartographie des zones polaires », eh bien, on a l'impression de retrouver son père qui dit « je veux faire la cartographie des lésions cérébrales ». Il est allé au bout de ce non, travail. Non, bien sûr que non, mais ils ont fait faire des progrès absolument considérables. Et la méthode anatomoclinique, qui est vraiment la grande spécificité de la médecine française, va quand même décrire, faire le catalogue en quelque sorte de toutes les grandes maladies. Et le jour où on va être capable de traiter ces maladies, eh bien, on aura déjà le catalogue où les appliquer précisément. On a souvent, dans le cas des grands scientifiques et des grands découvreurs, le schéma suivant, beaucoup de découvertes dans le début de l'existence, au début d'une carrière qui souvent est florissante, et puis, peu à peu, viennent les habitudes, viennent les honneurs, vient le confort, et puis on fait moins de découvertes. On a l'impression avec Charcot que c'est le contraire. Sa carrière en tant que grand professeur est somme toute très courte, hein, c'est du premier tiers des années 1870 au tout début des années 1890. Or, pendant ses moins de 20 ans, il fait énormément de découvertes, vous nous l'avez dit. Il n'en est pas moins membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des sciences, etc. On a l'impression que ses occupations mondaines et civiles ne le distrait pas vraiment de l'essentiel et de ses recherches. C'est-à-dire que je crois qu'il est un grand patron au sens noble du terme. Il induit des travaux, il a des élèves et il va publier avec ses élèves. Et ses élèves prennent le relais immédiatement de sa recherche. Et en fait, c'est une école Et c'est cette école qui va être la neurologie française. C'est une école qui est encore active aujourd'hui ? Mais si aujourd'hui la Salpêtrière est encore le lieu de référence mondiale des maladies du cerveau et de la moelle épinière, c'est en partie grâce à Charcot. Ce qui veut dire que Charcot est encore mondialement connu. Là, mais Charcot est présent parmi nous. Et quand il est au milieu de nous. Alors, il y a ce souvenir que j'ai gardé de Charcot au cinéma. C'était dans un film sur Freud, qui s'appelle Freud, Passion secrète, avec Montgomery Clift. Et on voit Freud venir faire ses études à Paris. Il est dans le grand amphithéâtre à la Salpêtrière, justement. Il assiste à une des séances d'hypnose menées par le professeur Charcot. Et il va être profondément marqué par ça. Ah ben, il est soufflé absolument par Charcot. Il admire Charcot. Et il va lui demander l'autorisation de traduire certains de ses cours en allemand. Et véritablement, il s'empare de ses démonstrations, en particulier sur l'hystérie, bien entendu. Et elle, c'est assez curieux, alors que Charcot manifestement fait fausse route dans l'analyse de l'hystérie, eh bien cet élève de passage, parce qu'il reste relativement peu de temps avec Charcot, cet élève de passage va reprendre ça à son compte et va finalement s'en servir pour aboutir à la théorie de la psychanalyse. C'est quand même pas rien. Ça n'est pas rien, ne serait-ce que parce que il va analyser des cas d'hystérie allemand, ceux-là, et il va dire qu'ils sont liés, il va rechercher, il va démontrer qu'ils sont liés à un traumatisme sexuel, bien entendu, c'est Freud quand même, dans l'enfance. Et il va faire la jonction de cette névrose particulière qu'est l'hystérie. Il va en parler beaucoup. Il y a plusieurs cas cliniques très célèbres de Sigmund Freud. Autrement dit, Freud assiste à ce que fait Charcot, n'en retient que la substantifique moelle et va l'utiliser pour fonder la psychanalyse. Ce qui est quand même formidable. Là, on est dans l'immatériel total. Le professeur Charcot va mourir assez tôt, finalement. Il aurait pu vivre sans doute bien plus longtemps. Il meurt à 67 ans. Oui, il a manifestement, je pense, une maladie des coronaires et il va mourir d'un infarctus puisqu'il fait un cardiologue qui parle. Oui, absolument. Et il meurt d'un œdème aigu du poumon, certainement lié à un infarctus du myocarde. Il était en vacances, hein, il était au lac des Sétons dans la Nièvre, un bien joli endroit du reste, et là il est dans une petite auberge et il n'en reviendra pas en fait. C'est propre de l'infarctus, n'est-ce pas? Oui, c'est évidemment de vous prendre, la crise cardiaque vous prend là où vous êtes et ne s'annonce toujours pas toujours. Alors, vous nous avez dit qu'il avait été le fondateur de cette école de neurologie, hein, l'école française de neurologie en quelque sorte, avec la Pitié-Salpêtrière comme point d'ancrage, comme port d'attache. Quels sont, parmi ces fameux élèves dont vous nous avez parlé, ceux qui vont marquer leur génération? Quelle est la postérité? Vous avez évoqué tout à l'heure, évidemment, Gilles de la Tourette. Vous avez évoqué Babinski, hein, Joseph Babinski. Babinski, le fameux signe de Babinski. C'est vraiment le béaba des études de médecine. Babinski va reprendre les travaux de Charcot, va les finaliser beaucoup de choses, va aller jusqu'au bout et bien entendu va être un neurologue très très important. On dit que c'est lui qui a servi de modèle de neurologue dans l'œuvre de Proust. Ah oui, c'est ça le fameux... Pas Cotard, non. Pas le docteur Cotard, grand clinicien. Non. Alors, on peut dire du professeur Charcot qu'il a donc marqué son époque. Il a essayé de faire de son fils son successeur. C'était ça son idée. Il aurait voulu que le fils continue, aille plus loin. Certainement. Mène jusqu'à leur terme les études qu'il avait lancées. C'était le propre des grands patrons. C'était de faire des dynasties de médecins derrière eux. Bon, il n'aura pas obtenu ça, mais son fils aura quand même été un très grand explorateur dans un autre registre. Sans doute plus célèbre que lui auprès du public. Incomparablement, oui, bien entendu. Il n'a pas eu d'obsèques nationales, le professeur Charcot, même si, je crois, il y a eu quand même de grandes solennités. Oui, il était quand même membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des sciences, c'était quand même quelqu'un qui était très connu dans le monde parisien de son temps. Dans les années 70, nous dit Michel, vivait à Tréboul, près de Douarnenez, un des survivants de l'expédition de Charcot, et les gens, dit-elle, l'appelaient Pourquoi pas. Voilà l'épilogue de cette émission. Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani pour la fougue avec laquelle vous nous expliquez à chaque fois la médecine. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Yacine sur les origines du marathon. Nous sommes au cœur de l'histoire des Charcot, père et fils, avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, où il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire, professeur à l'université Paris-Descartes. Alors Jean-Noël Fabiani, un mot peut-être de la carrière médicale de Jean-Baptiste Charcot, qui avait été littéralement adoubé par son célèbre père. Il a quand même passé l'internat des hôpitaux après de Paris. Tout. Et bon, il a commencé une carrière de médecin des hôpitaux. Quelle était véritablement sa passion personnelle, je ne pourrais pas disserter sur ce sujet. Mais enfin, il est clair que son père l'a peut-être aidé. On peut toujours l'imaginer à passer ses concours et à son début de carrière. Je parlais de ce roman Belle Époque tout à l'heure. Il y a une atmosphère très particulière dans cette haute bourgeoisie de la fin du 19e siècle qui veut en quelque sorte progresser constamment avec une espèce d'excellence, une sorte d'austérité dans l'éducation et en même temps une certaine largesse avec les enfants puisqu'on voit le professeur Charcot offrir à son fils son premier yacht quasiment pour ses 20 ans. Tout à fait. Alors, vous parliez tout à l'heure de Léon Daudet. Et Léon Daudet était un familier du père de Jean-Baptiste Charcot, de Jean Martin. Il l'assistait, ainsi que le tout Paris, aux leçons que donnait le professeur Charcot le mardi matin. Parce que le professeur Charcot avait compris deux choses de son temps. Il avait compris l'importance des médias. Quelque sorte, Léon Daudet, c'est quand même, pour son époque. Ce sont les médias. Et l'autre part, de la photographie. Car lui-même est nadarisé, mais il va nadariser toutes ses malades. Et ça va être très important. Il va faire de l'appareil photographique quasiment un instrument médical. Absolument. Assez étonnant. Absolument. Ouais. Alors il y a une exposition en ce moment, hein, jusqu'au 9 juillet prochain, dans l'église Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, une exposition sur Charcot, qui justement s'appelle « Une vie avec l'image ». Parce que c'est vrai, on a souvent eu tendance à sous-estimer à quel point cette image a joué un rôle important dans la carrière de Charcot. Je rebondis, parce que bien entendu... Parlons pour notre chapelle, à la faculté de médecine de René Descartes, il y a ce fameux tableau où on voit les mardis de Charcot, on voit Charcot avec Blanche Wittmann qui était en quelque sorte son hystérique préférée, soutenue dans les bras de Babinski qui était son grand élève, et ceux qui viennent à notre enseignement du diplôme d'université d'histoire de la médecine peuvent tous les jours contempler en quelque sorte. La toile, elle doit être à l'expo en ce moment, non? Elle est toujours à la faculté? La semaine dernière, elle y était encore. Ah bon, bah alors très bien. Je pensais qu'elle avait été transférée là-bas. Moi, je n'ai pas vu cette exposition Charcot, une vie avec l'image. Alors, nous avons évoqué la carrière fulgurante du commandant Charcot, hein, donc du fils, cet explorateur, avec toujours de grandes visées scientifiques, la volonté de... une double volonté en quelque sorte, faire progresser la connaissance et faire progresser la France, parce qu'il y avait un côté très très patriote hein, chez ces gens-là. Et puis, il était quand même, il l'a dit, je veux être le digne fils de mon père. Or, l'exemple de ce père n'est pas rien. Absolument. C'est un très très grand bonhomme. Charcot, c'est l'archétype du médecin du 19e siècle. C'est celui que je considère comme celui qui représente le mieux l'ère des grands patrons. Voilà. Et qui crée en quelque sorte les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, avec ses patrons qui vont avoir des élèves, qui vont avoir un enseignement et qui vont créer la méthode anatomo-clinique. Et oui, donc ça c'est une révolution évidemment. C'est une révolution qui a été amorcée par le grand Laennec. Et qui consiste, n'oublions pas, nous sommes au 19e siècle, on n'a pas vraiment de traitement à proposer aux malades. D'abord, les malades ne vont pas à l'hôpital. C'est maintenant que les malades vont à l'hôpital. C'était essentiellement les miséreux, les pauvres, les prostituées. Et quand Charcot arrive à la Salpêtrière, il est nommé dans le département vieillesse-femme. Donc, vieillesse-femme, ça veut rien dire. Ça veut dire que toutes les femmes... Alors, vieille, à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me hasarderai pas à donner un chiffre. Mais enfin, toutes celles qui n'étaient pas... On pense à la femme de 30 ans de Balzac. Absolument. Et donc, elles sont là. Il y a plusieurs centaines de patients. Il y a 5000 personnes à la Salpêtrière. Et donc, il a devant lui de tout. Absolument de tout. Des gens qui ne sont pas malades. Des gens qui sont très malades et qui vont mourir. Et d'autres qui ont des psychoses qu'il va observer. Et peut-être que le très grand charisme de Charcot est lié justement au fait qu'il n'ait choisi sa vocation que tard. Pendant très longtemps, il s'est même demandé s'il n'allait pas être artiste. Ce qu'il faut dire, c'est que s'il incarne, lui, à la fin du 19e siècle, cette grande bourgeoisie, ces grands mandarins, etc., il n'est en revanche pas du tout issu du sérail. Il est d'une famille tout à fait modeste, lui. Tout à fait modeste. Son père était charron. Charron, oui, charron carrossier. Enfin, voilà, oui. Mais c'est à force de travail, parce qu'il représente ses valeurs. L'heure du travail. Et c'est un jeune homme qui se lance dans le milieu de la médecine à l'époque qui était quand même relativement fermé. pourrait rentrer dans les détails, mais qui est quand même assez fermé au moment où il commence, qui va passer l'internat des hôpitaux, il va être chef de clinique ensuite, et puis immédiatement il se lance dans ce qu'on appelle les concours, qui étaient soi-disant réservés aux fils de patron. Il n'est pas fils de patron lui-même, et il se lance dans les concours, il va passer le médicat des hôpitaux, il va passer l'agrégation de médecine, il la rate une fois d'ailleurs, et il la passe une seconde. Enfin bon, il continue, puis après il va être professeur d'anatomie pathologique, et puis on va créer pour lui, à la fin de sa carrière, la chaire de neurologie, parce qu'il est aussi le créateur de la neurologie. Et voilà, on a l'impression, vous allez me dire, je me trompe peut-être, là, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais vous êtes là pour ça, Jean-Noël Fabiani, mais on a l'impression que partant de choses extrêmement concrètes, au départ il s'intéresse aux maladies inflammatoires, il a consacré sa thèse à la goutte, etc., il va peu à peu aller vers des choses de plus en plus abstraites, quasiment vers une sorte de philosophie de la médecine, qui est aux limites de la psychiatrie aussi, bien sûr. Alors vous pensez à l'hystérie, bien entendu. Alors l'hystérie, c'est une maladie formidable, puisque c'est Hippocrate qui l'a décrit, l'hystérie, hein, quand même, en disant que l'utérus, quand il n'a pas d'enfant, se promène, dit Platon, à l'intérieur du corps pour aller stimuler les autres organes et les rendre malades eux-mêmes, tout de même. Et c'est de là d'où vient l'hystérie. Alors, on en parlera après, parce que au départ, quand même, ce qui caractérise Charcot, c'est un remarquable esprit d'observation qui a été favorisé par quelqu'un qui a été important pour lui, qui s'appelle Duchesne de Boulogne, qui lui ne fait pas de carrière, mais dont il y a la maladie maintenant, qui l'honore, oui, en quelque sorte, mais enfin, qui l'initie à l'anatomopathologie. Et il rentre donc dans cette démarche, j'observe les gens de leur vivant, je note absolument tous les symptômes, et puis une fois qu'ils sont morts, parce que malheureusement, ils meurent assez rapidement au 19e siècle dans un hôpital, eh bien, j'utilise mes capacités pour disséquer le cadavre et noter toutes les lésions, et je fais le rapport entre les signes que j'observais du vivant et les lésions sur le mort. C'est comme ça que Laennec avait décrit la tuberculose pulmonaire, qu'il avait décrit la cirrhose du foie, et c'est comme ça que Charcot va décrire les grandes maladies neurologiques. Il faut dire qu'on revient de loin. C'est-à-dire que Laennec d'abord, Charcot ensuite, ont réinventé une discipline qui était quand même très très peu développée avant eux. Mais parce que avant le 19e siècle, l'hôpital n'existe pas. Exactement. C'est-à-dire l'hôpital tel que nous le concevons. Tel que nous le concevons. C'est là où on accueille les miséreux, où on accueille les pauvres. Dans l'hospice, on va dire. Et puis, la Révolution française va mettre le coup près, puisqu'elle décrète qu'on n'a plus besoin, c'est le cas de le dire, on n'a plus besoin d'hôpitaux, puisque Saint-Just dit même à un moment, si la Révolution finit, nous avons encore des malheureux parmi nous, nos travaux révolutionnaires auront été vains. Alors, que devons-nous à Charcot ? En quoi la médecine, aujourd'hui, lui est-elle encore redevable ? C'est ce que nous voyons en votre compagnie dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Yacine, qui nous l'a envoyé via le site internet de l'émission. Et Yacine vous écoute pendant ses séances de jogging et il aimerait connaître l'origine du mot marathon. Je crois qu'ils sont assez nombreux comme ça à nous écouter en faisant leur jogging grâce au podcast. C'est une très bonne initiative. Alors, marathon, là, on est dans l'histoire pure, bien entendu, dans l'histoire des guerres médiques, en l'occurrence. Vous savez, ces attaques des Perses contre la Grèce antique, notamment contre Athènes. C'est Darius Ier qui avait embarqué plusieurs dizaines de milliers d'hommes sur, semble-t-il, 600 navires. Et une partie de ces hommes s'installe dans les plaines et les marais de Marathon, donc une ville de Grèce, hein, et c'est Miltiade le Jeune. Miltiade le Jeune est un stratège grec qui va, avec 10 ou 12 000 hommes seulement, avoir raison des Perses. Il l'emporte. Et là, deux versions. La version de Plutarque, qui est la plus connue, la plus répandue, qui nous dit qu'un messager, il s'appelait Euclès, serait parti de Marathon et qu'il aurait couru 42 km jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Néni Kekamen, avait-il dit, nous avons gagné. Et là, il est mort, il s'est effondré, il est mort d'épuisement. Et puis, il y a l'autre version, celle d'Hérodote dans ses histoires. Hérodote nous dit qu'un nommé Philippides, lui, aurait parcouru près de 220 km entre Athènes et Sparte pour prévenir les Spartiates que les Perses avaient donc débarqué à Marathon et pour demander de l'aide. C'est la première version qui a inspiré un ami de Pierre de Coubertin, il s'appelait Michel Bréal, qui lui a inspiré la création de la course moderne du marathon. C'était au grand moment de l'olympisme, c'était en 1896, cette course qui, comme par hasard, fait, vous le savez, 42 km. Bonjour Elena Morin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Une émission conviviale et festive. Aujourd'hui, je vous invite autour d'un barbecue, Franck. 75% des Françaises en sont friands. Oui, mais lequel choisir? Au bois, à l'électricité, au gaz? Quels sont les moins polluants et surtout les plus sains? Les réponses des experts, vos questions comme chaque jour au 3921 ou sur europe1.fr. Je sens que vous avez plein de questions à nous poser, Franck. Ben, on peut dire qu'en tout cas, l'émission tombe exactement bien parce qu'il se met à faire beau et qu'on va faire des barbecues là, bientôt. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck.